بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 18e leçon, première partie. Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man ittabahum bi ihsan illa yawm al-din amma ba'd. سنؤجل تصويب التمرينات اليوم إلى بعد نزولكم للحراسة إن شاء الله كلها وندخل مباشرة في 18 وبعد ذلك يتعلق بالفعل اللازم والمتعدي قد تكلمنا عنه شيئا ما واليوم إن شاء الله الدرس يتعرض به وبعض أوزان جديدة يعني الكورس على الverb ce qui prennent la main pour le billet ce qui n'en prennent pas et sur de nouvelles mesures de verbe ou du moins le sens qui peuvent avoir la différence qui aura cela entre فعل وفعل سنقرأ عندنا سبعة أشعص سأقرأ المدرس أنت أبا بكر الطلبة أنت وسامة أنت عكاشة أنت عمرو أنت علي أنت إبراهيم. طيب بنقرأ بعد صلاة العصر أقرا صلاة العصر. كيف أمسيتم يا إخوان؟ كمو علي بوس التقميدي ولي فخير. أمسيتم أمسى مس أصبح أصبح كان في الصباح وأمسى وفي المساء من أخوات كان سيأتي إن شاء الله. أمسينا بخير والحمد لله. Cet après-midi, nous sommes bien, alhamdulillah. Lima, Akharta et Saburata ya Usama, Atrilha bisul'a. Pourquoi as-tu reculé le tableau, Usama? Sorti. Ah, je vais vous dire. Akharashta, aïwa. Lima, Akharashta Saburata ya Usama. Pourquoi as-tu sorti le tableau, Usama? Atrilha bisul'a. Fais-la rentrer vite, en vitesse. Akharashta. Ou fais-le rentrer en vitesse. Akharashta. Dit je l'ai sorti pour la nettoyer, je vais la rentrer après l'avoir nettoyée. Après son nettoyage. Ayyou al-Ikhwa, unahi'ukum binajahikum al-bahir fil-imtihan al-nisfi. Wallahu laqad farihtu kathiran bi'adil natija allati balagat isbatuha 97%. Il dit, oh les frères, je vous félicite pour votre grande réussite dans l'examen. Ici, c'est la moitié, mais je ne sais pas s'il veut. Parce que je ne connais pas leur programme là-bas. Je pense que c'est la moitié de l'année. Wallah, j'ai été très content par ces résultats qui ont atteint, dont le rapport a atteint le 97%. Qu'Allah te rende joyeux tout le temps, ô professeur. Et trop Usama, yutri Usama Saboura. Usama fait rentrer le tableau. Inni hawwaltu fi mashariq al-ard wa ma'aribiha wa darrastu fi baladin kathira wa lam ara tulaban min ahsana minkum. Donc il dit, j'ai certes parcouru le levant, le couchant de la terre, dernier l'Orient, l'Occident, et j'ai enseigné dans beaucoup de pays, et je n'ai jamais vu d'étudiants meilleurs que vous. Qu'Allah te récompense, au professeur. La'allakum ahdartum dafatir al-nahu. Il se peut que vous ayez apporté avec vous vos cahiers de grammaire. Oui, nous l'avons amené. Hatuha. Uridu an uriyaha al-mudir. Sayusarru biha kathiran, insha'Allah. Ya'am. Asmi'ani bayt al-mutanabbi. Allazi zakartu ams. Donc il dit, donnez-les, je vais les montrer au professeur. Elles le rendront joyeux, énormément joyeux, Inch'Allah. Oh Am, fais-nous écouter les vers de Mutanabbi, celles que j'ai citées hier. Beita, Mutanabbi, c'est un peu. Non, il y a un ism chahir. Bait le verbe de poésie. وما تأنيث لإسم الشمس غيب ولا تذكر فخر للهلال. Donc il dit le fait de féminiser le nom du Shams, le nom du soleil, n'est pas un défaut, ni de masculiniser, et le fait de masculiniser la lune n'est pas une vantardise. Fakhr, c'est le mot qamar. Fakhr, on a vanté. Iftakhir, c'est se vanter. Ah, hilal, c'est la lune. Ouais. Il y a une croissance de lune, quoi. Mais il veut dire la lune. كل تأنيث وأخرج لسانك يجب إخراج اللسان عند النطق بثلاث أحرف وهي الثاء والذال والضاء أظن أنني فهمتكم معناه. Donc il dit تأنيث et sort ta langue. Il est obligatoire de sortir la langue en prononçant trois lettres qui sont le ثاء, le ذال et le ضاء. Je pense que je vous ai fait comprendre le sens. نعم معنى معناه إنما الشيء لحقيقته لا باسمه. Il dit oui, le sens, c'est-à-dire de, par rapport au verset, au vers, que la chose est par sa réalité et non par son nom. Vous voyez, les choses sont définies par leur réalité et non par leur nom. إلا في حق الله أسماؤه طيب تدل على حقيقته أسماؤه لا معنى لسا مثلا مثل رجل كيكا par exemple سابا شفا ما سابل صالح لسا فاسق سنون كيف رأي مع الله سنون كيف كل شوز أو معنى يدل على الصفاء يدل على الشيء ومحمد كذلك أسماؤه تدل على حقيقته. يا أستاذ أرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى غرفتي فإن بي صداعا شديدا. Je professeur, j'espère que tu me permettes de pouvoir me rendre à ma chambre car j'ai une dure migraine, une forte migraine. صداع migraine, mal de tête. اذهب شفاك الله va, vas-y, qu'elle te guérisse. Ibrahim. Il dit, il n'a pas de migraine, professeur, juste il ment. Non, c'est cool. Et qu'est-ce qui te fait voir qu'il ment? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'il ment? Je pense. Iyaka wa dhanna ya Ibrahim. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أكذب الحديث أكذب بفتح الذال. وقال عز وجل إن بعض الظن إثم. Donc il dit prends garde aux pensées d'Ibrahim, car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit prenez garde aux pensées, car c'est ta pensée ou le soupçon est la plus menteuse des paroles. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens relatif à approcher, certes une partie des soupçons ou des pensées sont un péché. Bad-dhon sahiha, ou khala ithm. Par exemple, tu as des candidats, tu as des indices, tu peux penser des choses, une personne. Et d'autres fois, tu penses, tu n'as rien, tu n'as aucun attendu. Lui là, je crois que c'est un voleur. Mais tu n'as rien qui fait penser ça. Là, tu n'as pas le droit. Tu as athim. Ama indi qara'in, a shakaza. Naam. C'est quoi, c'est athm ou ithm? Ithm. C'est trop bien. نعم نعم في اسم يجزم بشيء طيب يقول أجيب الأسئلة الآتية. Réponds question suivante. Et les exercices que l'on prend aujourd'hui, Inch'Allah, seront ajoutés à ceux qui devaient être faits pour aujourd'hui. كاملا. يقول لماذا أخرج أسامة السبورة من الفصل؟ Pourquoi Oussama a sorti le tableau de la classe? ثانيا كم بلغت نسبة النجاح؟ Le rapport de réussite, combien a atteint le rapport de réussite? ثالثا لماذا أراد علي أن يذهب إلى غرفته؟ Pourquoi est-ce que Ali a voulu se rendre dans sa chambre? رابعا ماذا يريد المدرس أن يري المدير؟ Qu'est-ce que le professeur veut montrer au directeur? طيب ثم يبدأ بموضوع يقول ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم. Donc le verbe, en fonction de son sens, se divise en deux catégories. Il est mutaaddin wa lazim. Man utarjima hada, on ne traduit pas ces deux mots, c'est des mots de terminologie, et leur sens va apparaître dans la définition après. Fal mutaaddi ma tajawaza hadathuhu al fa'il il est mafoulun bih. Fal mutaaddi, c'est celui qui a besoin d'un mafoulun bih. Il a une cible mafoulun bih. ياتي وحده كذا لابد من مفعول به نحو بنى ابراهيم عليه السلام الكعبه كابراهيم عليه السلام اكفوا الى الكعبه وهو يحتاج لفعل يفعله ومفعول به يقع عليه دونك ce verbe المتعدي الى ظن سجل الى ظن مفعول به بنى بنى يبني سبب لغنى ما فوق به لا تكون مثلا فلان يبني هكذا وعدا يبني ماذا أو إذا مثلا في حال إذا سألت ماذا يفعل فلان تقول يبني تقدر تقول كما كيف تقول كما تقول كما تقول تقول كما تقول كما تقول كما تقول كما تقول كما تقول كما تقول يبني بيتا كما تقول يبني مسجدا يجلس il y a bien je ne sais pas si c'est un taqdir en tout cas on peut le dire tamam yaqul wa alamatuhu an yaqbalaha ad-damir alladhi ta'udu ila al-maf'ul bih nahwu qara'a ad-darsa wa fahimahu ra'aytu hasharatan sammatan faqataltuha. Donc il dit quoi? Le signe de ce verbe, d'ailleurs même dans le dictionnaire vous trouvez comme ça, c'est qu'on y accroche Damir Muttasil, le ha. La salade, dans Kamus l'arabi, quand tu cherches un mot, un verbe, il va te mettre le verbe accroché à Damir. Le hu, il va mettre le verbe daraba, il va mettre daraba hu. Et ce hu te prouve pas que ça mutaaddi. Vous voyez, bien sûr, il faut le béhi. C'est comme ça que tu reconnais ce verbe-là. S'il accepte le « hu », c'est qu'il accepte un « mafoul bih », c'est que c'est un « muta'addi ». Mathalan, « qara'a ad-darsa wa fahimahu ». Il a lu le cours et il l'a compris. « Founa fahimahu », c'est un « muta'addi ». Il accepte le « ha ». « Ra'aytu hasharatan sammatan faqataltu ha ». J'ai vu un insecte venimeux. « Tayyib hashara », c'est « insecte ». « Wa samma », c'est « venimeux ». Alors je l'ai tué. Donc là, « qataltu ha », il accepte le ha, celui-là c'est un muta'addi kazalik. Hata ra'aytu, tu peux dire ra'aytu hu, c'est un muta'addi, comme tu vois hasharatan, wa qara'a darsa, qara'ahu. Quand tu le montres, tu vois, ma foule bi d'ailleurs le verbe, c'est un muta'addi, de toute façon. Wa thani al-lazim ma la yata'adda atharuhu fa'ilah, nahu kharaja tullabu, fariha mudarrisu. لا يحتاج الفعل اللازم إلا مفعول به. Donc il dit celui-là, il a un verbe, un sujet pareillement, mais il n'a pas besoin de مفعول به. مثلا خرج الطلاب, les élèves sont sortis. مثلا كل خرج ما يوجد هذا. خرج ما يتعدي لمفعول به. ما يصير مفعول به. فرحة المدرس مثلا professeur est content فرحة ما يتعدي إلى ما فن به ما ينسب ما فن به Et comme quand kulna min qabl, kullu fi'lin thulathi yatila wazn fa'ula yaf'ulu lazim. Le verbe qui vient avec le wazn fa'ula yaf'ulu, c'est un lazim. C'est un lazim. Fa'ula yaf'ulu. On peut leur mettre des mafoul bi. Pas qui? Mafalan kharaja at-tullab wal fasl. La. Kharaja c'est un lazim. N'existe pas kharaja at-tullab wal fasl. Si, ils sont sortis de la fasl. Min al-fasl. Non, on peut dire fasl. Kharaja? La. Kharaja fasl. Kharaja la. Dakhala. La kharaja la. Tanazzala, tadakhala est un autre. Mais kharaja il n'y a pas de temps. Tu dis kharaja min al-fasl. Yaf'ulu, c'est tous des fi'l lazim. Ou si tu es quelque part, amène-le moi, mais je ne connais pas. C'est kharaji, c'est le verbe qui est. Dakhala, naam. Dakhatul bayta, naam. Ama kharaja, le khuruj yakun an shay. Min shay. Fawa muta'adi bi harf jar, comme ça a été dit. Yakul qad yata'addi. Al-fi'l lazim bi wasita harf jar. Donc là, il te dit, c'est que une action de ta'addi avec un harf jar. Mathalan, ghadiba mudarrisu ala talib al-kaslan. Le professeur s'est mis en colère sur l'étudiant fainéant. Thaniyan, dha'abtu bil maridi il mustashfa. J'ai été avec le malade à l'hôpital. Nazartu ila al-jabal. J'ai regardé la montagne. Rabi'an, qala sallallahu alayhi wa sallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il dit, celui qui s'écarte, qui se détourne de ma sunna, ne fait pas partie de moi. Il n'est pas de moi. Ndoulou, pourquoi il y a un fa là? Falaysa minni. من حروف ال ما هو حرف أسماء أسماء ينسبوا يجزموا نعم فعلين أيوة والجواب بفعل جامد خامسا أريد أن أطلع على منهج مدرستك je voudrais découvrir la méthode de ton école هنا الشاهد على منهج. Et souvent on entend minhaj ou menhaj. Des fois on entend bil kasra, des fois on entend bil fatha. Des fois on entend menhaj, des fois on entend minhaj. Quand c'est avec une kasra, minhaj, on met un med minhaj. Avec un alif. Et ils ont le même sens tous les deux. Et sans med, c'est menhaj. Sans med, c'est menhaj. Donc si tu ne vois pas d'alif, dis pas minhaj. Si tu ne vois pas les haraka. Dis menhaj. Bil fatha, al-min. ومنهاج على وزن ماذا؟ منهاج على وزن مفعال منهاج مفعال مفعال سي كو كوم نو اسمه اس معلد نعم اسم آلة المنهاج سي اسم زمان ومكان bien fait de Nahaja. Thalithan, la arghabu fi safar adal usbour. Il dit, yani, je n'ai pas envie, en fait, on dira comme ça, je n'ai pas envie de voyager cette semaine. Arghabu y arghabu, c'est convoiter une chose, vouloir une chose, désirer une chose. Fi, quand tu mets fi, quand tu mets arghaba an, c'est le contraire. Sans détourner, ne pas la vouloir. Vous voyez? Rariba fi, c'est vouloir autre chose. Rariba an, c'est le contraire. Et donc, des verbes, ils ont un ta'addi, et il y a une chose qui se découle de l'action, par rapport au fa'il, avec un harf jar. et ism majrour. Tu as ça maful bihi, ça c'est le ta'addi pour maful bihi. Et tu en as d'autres? Le ta'addi ça est quoi? Que harf jar et ism majrour comme ce qu'on dit. Il y a كل يسمى مفعول مثل هذا عفوا اسف ويسمى مفعول مثل هذا الفعل غير صريح ومجرور لفظا بحرف الجر منصوب محلا على انه مفعول به غير صريح. Donc eux, c'est ce qu'ils prétendent, qu'en fait ce harf jar et ce ism majrour c'est un mafoul bihi ghayr sarih, qui n'est pas clair, qui n'est pas évident. Et ils disent qu'il est majrour dans la prononciation, mais qu'il est mansoub en mahal. C'est-à-dire mansoub en anama foulbi. La kins koula a renoncé une avare. Wa akrab anna hu alladhi akhadna nahnu ma'an fi ahkam al-jar majrour annahu ma muta'alliqan bil fi'l. Le jar majrour c'est accroché au verbe. Ama dal tafsil annahu mafhum bihi ghayr sarih wa fi mahall nasb ala ma adri ma huwa mujma'un alayh. C'est pas une chose qui est unanime dans les langues de grammaire. J'ai lu dans quelques livres, non celui-là, mais sinon dans d'autres livres, je ne l'ai pas vu. Ils n'en parlent pas de ça. Ils disent jar majrour muta'alliqan bil fi'l. Ils ne disent pas majrour lafzan wa mansoub mahallan. Ils ne disent pas ça. Ou c'est pas assez convaincant comme call. C'est un peu takallouf. C'est un peu tiré par les cheveux, comme on dit. Des fois, tu vas voir des arcanes, tu vois que c'est un peu abusé. Tu vois, c'est lourd. Là, tu prends le plus simple. Donc, ce call-là, tu vois. C'est lourd. Tu vois, ce call-là, moi, je vois qu'il fait une nazar, mais bon. Allah alam. En tout cas, on aura sur la base, lorsque tu es avec, par exemple, dialogue. مثلاً لا أرغب في السفر هذا الأسبوع. كيف تقول لا حرف نفي مبني على السكوت لا محل له من إعراب. أرغب على فعل مضارع مرفوع لتجرده الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة في حرف جر. السفر اسم مجرور بفي والجار والمجرور تعلقان ب أرغب بالفعل. وهذا نائب ظرف زمان مبني على السكون اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نائب ظرف زمان. والأسبوع بدل هذا الأسبوع. Et dans l'irlob, moi je vois pas que tu dis ouais après في مثلا في السفر سفر اسم مجهور لفظا ومنصوب محلا لأنه مفعول به. Ça الله أعلم. Je sais pas comment tu te coules là. Mais si on trouve un barf pour être à la yaqin, il y a ta fadda. C'est mon avis à moi. Tamam, Alain Yakul. Mayyiz al-lazim et al-muta'addi fi ma yali. Donc, distingue entre le muta'addi et al-lazim dans ce qui suit. Je mets l'oula. Andak ya Babak. Le professeur explique le cours deux fois. Allez, va. Non, les élèves ont ri. Lazim. Il n'y a pas de ma faute. Thalithan. Raja'abi bariha. Mon père est revenu hier. Lazim. Non, lazim. La bariha ou nasa dhurf. Zaman. C'est pas ma faute. Mon père est revenu hier soir. Hafidtu le Coran wa ana saghir. J'ai mémorisé le Coran alors j'étais petit. Fihmu ta'addi. Non, le Coran ma faute. خامسا نجلس هنا أفيت ولا فعل لازم. نعم هنا هنا ظرف مكان. افتح الباب وأغلق النوافذ ouvre la porte et ferme les fenêtres. يفتح فعل متعدي نعم وغلق متعدي نعم والمفعول به الباب والنوافذ سابعا نعم حفظت القرآن هل كذلك يكون مفعول به ما يكون لفظ الجلالة لأن القرآن كلام الله لا لا القرآن هنا مقطع عن الكتاب يفتح الباب القرآن هو صفة السلام القرآن كلام الله طيب القرآن صفة من صفات الله يفتح باب يفتح باب الباب وأغلق الباب أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام الله أعطني إبراهيم عليه السلام dégorger son fils Ismaïl alayhi salam. Donc ça amara fi al-mutaaddi. Naam. Wa maful bihi innahu. Wa maful bihi Ismaïl ibni. La ibni. Amara Ismaïl. Ismaïl. Wa maful bihi. Ayna maful bihi? Amara Ibrahim. Ibrahim. Thaminan. Wa na bi بذبحي خلاص خلاص خلاص كملتها ثامنا نام الطفل في النادي مرفوع دومي نعم تاسعا قمت من النوم متأخرا متأخرا متأخرا je me suis réveillé on va dire je suis levé du sommeil en fait en retard لازم نعم قمت لازم عاشرا نعبد الله ولا نشرك به شيئا باثنان متعدين نعم نعم لفظ جلاله في نعبد لفظ جلاله ومفعول به وشيئا مفعول به حادي عشر لم اكل شيء شنو يعني مانجي اسمها لازم لم اكل شيء شيئا في كل هذا شيئا لا اسمع ايضا كيف هو لازم ايوه ثاني عشر تعيبا العمال تعيبا العمال لازم نعم لي زومبلوي فاتيغي ثالث عشر رحبت بضيوف لازم نعم جاكوجي لي لانفيتي مي يقولوا ان فات كون تو راهو حبتو بالضيوف و قمتو من النوم و غير صالح فوالا وي يقولوا كي دير كليك سان غير صالح سان متعدي لي مفعول به غير صالح سا كي يقولوا كوم جي ديت كو لا جو با كونفانكو Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des verbes, yani, ils ne peuvent pas venir tout. Yani, c'est obligé de suivre Karaf Ojar derrière. Il ne vient pas tout seul. Ça me rachaba, tu veux dire rachaba bi shay. Vous voyez ? Aou zahabtou, zahabtou il est. Aimt ? Aou raghiba, c'est ou raghibtou, fi, aou an. Il y a des verbes, c'est obligé, il y a un hafouja qui vient derrière. C'est une sorte de ta'addi, mais ce n'est pas un ta'addi à la mafoulbi. On ne va pas dire que ce qui vient derrière, c'est un mafoulbi règle salih. Voilà. Et tu en as d'autres, il n'y a rien, comme par exemple Dahika. Tu peux dire Dahikto, et tu peux dire Dahikto Alik. J'ai rigolé de toi. Mais tu peux te passer du hafouja, mais tu en as, et je laisse. Tu es obligé, tu viens qu'un hafouja derrière. Comme certains verbes, c'est obligé de mettre un faux bi derrière. Maintenant, Al-An, c'est Yu'allimukum Al-Fork Beinabad Aouzen. Il va vous enseigner certaines différences entre certaines mesures de verbes et vous faire comprendre comment rendre un fi'l lazim, comment le rendre ta'addi. يقول يسير الفعل لازم تعديا بنقله الى بابي افعل وفعل كما يتضح من الامثله الاتيه. Donc là il vous dit quoi? Qui montre que الفعل لازم devient متعدي الثلاثيه مجرد. طيب il faut quoi? Le mettre dans le chapitre de افعل et de فعل. Ces deux mesures, ce sont des mesures qui jambent le fi'l lazim vers muta'addi. La ijlis. Khali yatullah maqdam. Mathalan, tafham. Yaqul, kharaja hamidun min al-fasl. Hamid est sorti de la classe. Una kharaja, la fi'l lazim muta'addi. Lazim. Lazim. Là, c'est Hamid est sorti de la classe. Maintenant, pour le rendre muta'addi, qu'est-ce qu'on fait? On met kharaja à la wazn akhraja. Takul akhraja al-mudarrisu hamidan min al-fasl. Le professeur a sorti Hamid de la classe. Ça fait ça. Ou on peut dire aussi kharaja. Voyez, kharaja al-mudarrisu hamidan min al-fasl. Il a sorti de la classe. Donc c'est comme ça qu'on fait quand tu as fait un soulafi, lazim, pour que tu l'en ta'addi, tu mets la wazn afhala. وفعل طيب افعل وفعل. ثانيا نزل الجريح من صيغه الاسعاف. Le blessé est sorti de l'ambulance. صيغه الاسعاف c'est l'ambulance en fait. تقول انزل الممرضون الجريح من صيغه الاسعاف. Que les infirmiers ont fait descendre. J'ai traduit la première phrase. Le blessé est sorti de l'ambulance. Ouais, j'ai dit. Là, c'est maintenant, c'est les ambulanciers ont fait descendre le blessé de l'ambulance. Donc, on a Jahanna Nazala à la waz Anzala. À la waz Anzala. Thalithan, Jalasa Talibu Jadidu Amara Mudarris. Le nouvel élève s'est assis devant le professeur. تقول أجلس المدرس الطالب الجديد أمامه. Le professeur a fait asseoir le nouvel étudiant devant lui. فهنا جلس على وزن أجلس. طيب الآن سيأتي بوزن فعل نفس الشيء. يقول نزل الطفل من الطائرة. Le petit enfant est descendu de l'avion. تقول نزل الطفل من الطائرة. J'ai fait descendre l'enfant, le petit enfant de l'avion. Il est ici. Thanien. Nama al-Marin. Le malade s'est endormi. Takul. Nawwama ad-dawa'u al-Marin. Que le médicament a fait dormir le malade. Thalithan. Naja rukabu siyarati allati inqalabat. Yani que les passagers de la voiture qui s'est retournée, yani ont été. Épargné. L'ami s'est sorti, quoi. Il a été sauvé. Takul, Nadja Allahu Rukyab Sayyarati Latin Karabat. Que Allah a sauvé, quand même, les passagers de la voiture qui s'est retourné. Le Karabat s'est retourné. Ça vient, le Wazn Fa'ala. Le sens aussi va arriver, inshallah. Fal'en, la khastum shi'an min ma'ana af'ala. Malfok bina fa'ala wa af'ala. يقول إذا نقل الفعل المتعدي لمفعول واحد إلى هذين البابين تعدى إلى مفعولين. Donc maintenant il vous dit quoi? Si à la base le soulafi mujarrad il est متعدي de base, quand tu le mets à la voix أخر وفعل, maintenant il va être متعدي à deux مفعول. Celui qui a déjà مفعول بي à la base, quand il n'y a que trois lettres, à la voix فعل, si maintenant tu mets la voix أخر وفعل, maintenant il va avoir lui deux مفعول. Alors, de ma phobie. Mathalan, yakul, Samia, elle me donne le Coran. Donc, Samia, c'est un lazim ou ta'addi? C'est un ta'addi. Que le professeur a écouté le Coran. Ensuite, tu dis, Asma, al-tulab, me donne le Coran. Que les élèves ont fait écouter au professeur du Coran. Fal'an, elle me donne le Coran. Elle me donne Ou le Coran. Donc celui qui est lazim à la base, quand tu mets la voix afal ou fa'ala, il devient muta'addi. Et celui qui est muta'addi à la base, si tu mets la voix afala ou fa'ala, il prendra deux mafoul maintenant. Fa'niyen, yakul, fa'hima, at-talibu ad-darsa. L'élève a compris le cours. Donc fa'hima, c'est muta'addi. Yakul, fa'hama, al-mudarrisu at-talibu ad-darsa. Que le professeur a fait comprendre à l'élève le cours. Elle a un mafoulen, at-taliba, ou ad-darsa. يقول أقل كل فعل مما يأتي في جملتين في جملة الأولى كما هو وفي الجملة الثانية بعد إدخال حمزة التعدية عليه طيب نقريه بكوا que vous mettiez le verbe dans une phrase dans deux phrases la première comme celle de l'exemple et la deuxième en mettant le Hamza Tardia, c'est le Hamza qu'on ajoute dans Af'ala. Voyez, c'est le Hamza qu'on met dans Af'ala. Et Abdullah, Michel. Mathalan, Yakul, Kharaja Hamidun, Nil Faslo. Hamid est sorti de la classe. Takul, Akhraja Al-Muraqibu Hamidun, Nil Faslo. Le surveillant avait sorti Hamid de la classe. Non. Là. T'as encore la neuf jumla. La neuf jumla, fil fasl. L'N. Dakhala Hamid min al-fasl ou al-fasl. Fi. Dakhala Hamid fil fasl. أدخل المراقب حامدا في المسجد أجلس الإمام حامدا في المسجد نعم نزل نعم تشبه شرجيه نزل الولد من الجبل نزل الجبل من الجبل نزل الولد من الجبل أنزل الله الولد من الجبل ضحك ضحك الرجل في الفصل وأضحك المدرس الرجل في الفصل نعم بكى يبكي بلغين بكى عمي أبكى أبكت القصيدة عمي طيب تو لا بوزي في بلغين بوك سمع القرآن وأسمع القاري سميرا القرآن نعم تمام ثانيا أدخل كل فعل مما يأتي في جملتين في الجملة الأولى كما هو وفي الثانية بعد تضعيفه أي نقله لباب فعلى نقطعي في الكلام le verbe faire afala ou fait fa'ala. Voyez. Darasa. Darasa. Talib. كتب التوحيد درس المدرس الطلبة كتب التوحيد الطالبة الطالبة كتاب توحيد نعم خاف خاف أحمد الكلب من واجب دير نعم خاف الكلب من واجب دير خوف الكلب أحمد لا أنت جميل إلى فضل خوف يعني خوف الله أحمد الكلب خوف الله أحمد الكلب الكلب نام نام الولد في الغرفة نوم أم الولد في الغرفة Si tu dis Nawama Umuhu, je ne peux pas dire Nawama Umuhu Al-Walada. Umuhu. Là, là. C'est bien. Tu peux pas dire qu'à Domir, avant le nom vers qui il revient. Le Domir, il revient quelque chose, donc il vient après. Tu peux dire Umuhu Al-Walad. Le Walad, il doit être avant Domir. Donc tu dis Umuhu, Fakat, il n'y a pas Umuhu. Taniyan, si le Féril, c'est moins neuf, Mufrad, le verbe, tu ne dis pas Nawama. Je t'appelle. نومت الأم الولد. نوما الأب. تمام. خوف يعني شباب خوف خوف الكلب الولد. أنت كنت الولد خوف الكلب. خوف الولد الكلب. أيوة. Maintenant, on veut une chose qui passe que l'enfant a peur du chien. Tu as changé la phrase. Toi, tu as dit l'enfant a peur du chien. Tu as dit le chien fait peur à l'enfant. C'est pas pareil. Ouais. Donc, on veut un tardier avec un deuxième. Ouais. Ouais. Maintenant, ça va. Hafiza. Hafiza. Hafiza Talib al-Qur'an. Non. Hafiza. حفظ المدرس القرآن للطالب. لا. tu gardes la même phrase. il y a pas un genre, faut gérer, faut changer l'ordre. طالب. tu gardes le même ordre. tu dis quoi la première phrase? حفظ المدرس القرآن والطالب القرآن. طالب القرآن. عظيم. وحفظ المدرس القرآن الولد الطالب. Je ne change pas le nom. Sinon, tu peux partir sur celui qui écoute, il voit, il dit pourquoi il a changé. Tu gardes la même phrase, juste tu mets le verbe. Non. Jaffa. Mala Sakata. Jaffa, Sakata. Le Jaffa, il donne Mana séché. Séché. Jaf, donc là c'est sur le sens de la phrase. Jaf al-Malabis Ams. Jafat al-Thaw. Jaf al-Thaw Ams. Jafafa. الرجل الملابس أمس الملابس الثوب الثوب طيب قاعد لي ميم فراز ما مفهوم هذا ثالثا كيف عديت الأفعال التي تحتها خط في الأمثلة الآتية donc comment les verbes suivants soulignés vont être rendus متعديا أولا يقول من أبكى طفلا يا آمنة كيف fait pleurer l'enfant ou آمنة ما أبكاه أحد إنما يبكي من الجوع. Personne ne l'a fait pleurer, juste il pleure de faim. Donc أبكى, comment est devenu متعدي? À la base, بكي يبكي c'est un لازم. Comment est devenu متعدي? على وزن الأفعال. على وزن الأفعال. تقول بحضرة التعدية. ثانيا قال الطالب الجديد للمدرس لنولده بدي professeur يا أستاذ أجلسني قريبا من السبورة فإن نظري ضعيف أو professeur fais-moi m'asseoir proche du tableau car ma vue est faible. أجلسني كيف أقول نعم ثالثا نزلت من السيارة ثم نزلت أمي المريضة. Je suis descendu de la voiture, ensuite j'ai fait descendre ma mère qui est malade. نعم فعال التضعيف. رابعا يا أحمد لا تضحك لا تضحكني وأنا أقرأ الدرس. هو أحمد ما في بغير أنا وش اسمه قال لي لكم. نعم. قال لي الطبيب أخرج لسانك. Le médecin m'a dit, sors ta langue. Non. Non, c'est vrai. Quand la ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien. Non, akhrajakum wa shay'a. قال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا عذابا كبيرا. Et celui qui est injuste parmi vous, nous le ferons goûter un dur châtiment ou un grand châtiment. أيوة نذقه. Et pourquoi les majdoum C'est une parole dessus, là. C'est qu'il y a la dernière dessus. Elle va faire. C'est Azaqa Yuziku. C'est Azaqa. Quand le Ta'ala, le Moussa, al-Salam, ou Atril Yadaka, fi Jaybika, ta khruj bayda, amn ghayrisu. Donc il dit, sors ta main, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa dans le sens relatif rapproché, sors ta main de ta poche, mais en vrai c'est de ta poitrine. Fossa Jayb, c'est la partie en haut. Vous voyez, elle sortira blanche sans aucune marque. Elle n'est blanche claire, limpide. Naam. Barat tawaf wa sa'i yahlikul mu'tamiru ra'sa wa yukassiru sha'ra. Donc il dit après avoir fait le tawaf, c'est-à-dire les circuits de rituels, et sa'i, c'est là qu'on montre le safa dans Marwa, celui qui fait la omra, le pèlerin, quoi, rase sa tête. Ou il se coupe les cheveux. C'est la waz fa'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم والنكح ولا يخطب ولا يخطب وفا. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم que celui qui est en état de sacralisation ne se marie pas ni n'est marié, c'est-à-dire ni ne se marie ni on le fait se marier et ni ne fait de rencontre, c'est-à-dire parler avec une femme en vue de mariage. Et le shahid ينكح نعم سفامعي أنكحا قال تعالى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché, et certes c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, et c'est lui qui fait mourir ou qui fait vivre. ما كلها لوزن أفعال أضحك وأبكى وأمات وأحيا. ثاني عشر اللهم حبب إلينا الإيمان وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وكدي أو الله اللهم أفسد أو الله ثاني ذا فنو إيمان الإيمان la foi et fais-nous détester le kufr ainsi que la perversion ainsi que la désobéissance. حبيب الأول فعل نعم والثاني الأول فعل نعم هذا طيب الآن ما زلنا في نفس الباب لكن سيأتي بشيء خاص بفعل معين avec un verbe particulier. يقول يريد أن يريها المدير. C'était dans le texte. Il veut les montrer au professeur, c'est-à-dire de Fatih al-Nahou. أرى على وزن أفعل à la base. من رأى. أرى c'est le verbe à la mesure de أفعل du verbe رأى. أصله أرى طيب أرى et ça c'est mon origine. حذفت منه عينه ومضارعه يري. C'est-à-dire quoi? À la base, ar-a, le deuxième hamza, c'est son aïn. De af'ala. On l'enlève. Vous voyez, on l'enlève. Donc tu dis ar-a. Fakat. Tu dis pas ar-a. On l'enlève. Et son mudari, c'est yuri. Ar-a, c'est à la base af'al. Non. Et son mudari, c'est yuri. Ara, son mudari, c'est yuri. En fait, c'est faire montrer quelque chose. C'est-à-dire faire voir. Ra, ra'a, c'est voir. Ou ara, c'est faire voir. Comme les règles qui viennent de compter mentionner précédemment. Ou al-amru minhu ari. C'est-à-dire al-amru ari. Mabni ala hassa fa'ilna. تقول أريني هذا يا علي في موصلة أو علي أروني هذا يا إخوان في موصلة أو لفخير أريني هذا يا مريم في موصلة أو مريم أرينني هذا يا أخوات أرينني يا إخوان أرينني هذا يا أخوات في موصلة أو لسير أرينني Il y a une soukoune sur le hier. Je vais quand même mettre quoi? Non. Ali nani haza ya akhawat. Montrez-moi cela au laisseur. Takoul arana al-mudarrisu kitab nahwin jadidan. Donc le professeur nous a fait montrer un livre, un nouveau livre de nahw. Arana, nahw. غدا سآخذكم إلى المكتبة العامة وأريكم المعاجم كلها. Donc il dit demain, je vais vous prendre à la bibliothèque générale et je vous montrerai tous les dictionnaires. ثالثا أريني جواز سفرك يا أحمد. Montre-moi ton passeport, ou Ahmed. Je vais voir, montrer. C'est أريني, des fois c'est Arana. Là c'est un homme celui-là. Arana, Arini. Arini, c'est un homme. Mm. Arana, c'est un mâle. Arani, il m'a montré Arani. Il m'a montré Arani. Au fil de la révélation, on l'a dit à Arainahu, Ayatina, Kullaha, Fakadzaba, wa Abba. Nous avons certes montré tous nos signes, et il a démenti et a refusé. Il a ni fil à Arani. وثانيا والذي يريكم آياته ينزل لكم من السماء رزقا. C'est celui qui vous montre ses signes et il descend pour vous des cieux votre subsistance. Parce que là il est mutassil à l'amir. Ça va être par rapport à la première fois ce que tu as dit ça là. Dans la première phrase, quand il dit Arana Mudarisu Kitab Nahwin Jadid, normalement c'est Araina. Parce que lorsqu'il est approché au Namir, la Afaïla, il y a le Khalid. Il y a. Ouais. Ça, ils ont dû faire une erreur dans cette phrase-là. Non, c'est pas bien. Ouais, mais ça a contredit les règles. Mais non, mais dans l'écoute, on ne se dit pas. Non, c'est Araïna. Araïna ou Kada. Allah alam. Arabe, il m'a dit que l'arabe. S'il y avait une règle spécifique, je ne connais pas là. Thalithan, où est-ce qu'on a Ibrahim, Rabbi, Arini, qui est pas touché le mot, qu'on a Walam Tukmin, qu'on a la Bala, Walakin Yetma Innakolbi. Donc, quand Ibrahim dit au Seigneur, montre-moi comment tu fais vivre le mort. Comment tu fais vivre le mort. Il dit, ne crois-tu pas encore? Il dit, si, cependant, pour que mon cœur se rassure. Pour un shahid, أرني ما هو رابعا هذا خلق الله فأروني هذا خلق الذين من دوني ماذا خلق الذين من دوني جتني لك خاتم الله donc montrez-moi ce qu'ont créé les autres en dehors de lui. Je dis خامسا يقول قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين ضللنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا وليكونا من الأسفلين. Il dit, ceux qui ont mécru dire, oh Seigneur, montre-nous les deux qui nous ont égarés. Yani les deux catégories de personnes, quoi. Parmi les djinns et les ins, parmi les hommes et les djinns. Que nous les mettons sous nos pieds et qu'ils soient parmi les rabaissés, les avilis. وهذا également من أدلة على إشناب جلسة السوء فأي attention aux mauvaises fréquentations parce que notre mort peut te faire détourner de la vérité et même la Qiyama tu te désavoueras de lui, tu en voudras. طيب فنقفنا لأن فنا ال وذاك ال تجديد تمارين تمارين شفويين خلاص نتركه. فلما أخذنا اليوم الفعل اللازم المتعدي فهمت اللازم والذي لا ينسب مفعولا به المتعدي والذي ينسب مفعولا به أو أكثر وكما نفعل كيف نجعل الفعل اللازم متعديا الثلاثي نجعل له وزن أفعل أو فعل هذا هو والآن اليوم أخذنا ما معنى أفعل أو فعل من حيث الفرق مع الوزن فعل فكل الفرق بين فعل وأفعل فعل يكون معنى en plus فعل أقوم dans في الدرس الآن إن شاء الله فعل وأفعل بمعنى سواء ils peuvent être de même sens et ils peuvent être en différence. Ça n'a pas aussi un mana, ça a la fille d'Afa, Inch'Allah. Une différence, hein, je ne sais pas qu'elles distinguent des autres. Enfin, de l'autre, de Afa. La forme. Tu es souhaité. Non. Quand elle dit que le Dafa, l'Ati, comme elle dit, le Dafa, quand elle est Kadim. Inch'Allah, Kullah. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila. Il y a juste les Asila.